The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To boost sales. Doper les ventes. Word of mouth. Le bouche à oreille. Aisle end display. La tête de gondole. To set down on paper. Coucher sur le papier. To land a contract. Décrocher un contrat. To be catapulted into. Se catapulter à. Rub hands with glee. Se frotter les mains. To kill two birds with one stone. Faire d'une pierre deux coups. To wean. Sevrer. Straight away. D'emblée. Now, a bit faster. To kill two birds with one stone. Faire d'une pierre deux coups. To wean. Sevrer. Rub hands with glee. Se frotter les mains. To kill two birds with one stone. Faire d'une pierre deux coups. To boost sales. Doper les ventes. Aisle end display. La tête de gondole. To be catapulted into. Se catapulter à. To set down on paper. Coucher sur le papier. Straight away. D'emblée. Word of mouth. Le bouche à oreille. To land a contract. Décrocher un contrat. To be catapulted into. Se catapulter à. Straight away. D'emblée. To land a contract. Décrocher un contrat. Rub hands with glee. Se frotter les mains. Straight away. D'emblée. To kill two birds with one stone. Faire d'une pierre deux coups. To be catapulted into. Se catapulter à. Now, use the words in context. Doper les ventes. The star probably thought that a scandal would boost her album's sales. La star a sans doute pensé qu'un scandale doperait les ventes de son dernier album. Le bouche à oreille. This brand never launched any advertising campaign. It owes much of its success to word of mouth. Cette marque n'a jamais lancé aucune campagne publicitaire. Son succès est principalement dû au bouche à oreille. La tête de gondole. If our product isn't placed in an aisle end display, I'm afraid that the customers won't take an interest in it. Si notre produit n'est pas mis en tête de gondole, je crains fort que les clients ne s'y intéressent. Coucher sur le papier. He couldn't keep his emotions to himself and decided to write them down in a diary. Il ne put garder toutes ses émotions pour lui-même et décida de les coucher sur le papier dans un journal intime. Décrocher un contrat. After all the auditions the group went through, they finally managed to land a contract with a record company. Après toutes les auditions que ce groupe a passées, ils ont finalement réussi à décrocher un contrat